scientifique actuel dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1962, quatrième émission. Les dimanches où les Françaises et les Français majeurs, 21 ans à l'époque, sont invités à passer dans l'isoloir, ont été nombreux cette année-là. Référendum sur les accords d'Évian, seulement en France métropolitaine, élection territoriale en Nouvelle-Calédonie, référendum sur l'élection au suffrage universel direct du président de la République, élection législative enfin. Le 6 décembre 1962, c'est le doyen d'âge de l'Assemblée nationale récemment élue qui se trouve au perchoir, le chanoine Kir. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la séance est ouverte. Au terme de l'article 1er du règlement, j'invite les 6 plus jeunes députés à venir siéger au bureau pour y remplir les fonctions de secrétaire provisoire. D'après les renseignements qui m'ont été fournis, ce sont messieurs Moussa Abed, Julien de Chambrun, Le Teul, Poirier, Melville. Ils sont là ? Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale est constitué. Je déclare ouverte la deuxième législature de l'Assemblée nationale et reprise la première session ordinaire de 62-63 interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 octobre dernier. Mes chers collègues, l'insigne honneur d'ouvrir les travaux d'une législature, mes choix pour la seconde fois en 4 ans. Mon devoir est d'user ces privilèges avec toute la hauteur de vue qui s'impose, sans que quiconque puisse en prendre ombrage. Ma pensée va d'abord à ceux que la mort a tranchés de notre communauté, et l'Assemblée tiendra certainement à s'associer au deuil d'une belle famille et de toute la nation à l'occasion de la disparition du président René Coty. La France entière, en effet, sait tout ce qu'elle doit à cet homme de cœur et de mesure, à ce patriote désintéressé qui avait su se faire aimer de tout un peuple. Je salue ceux de nos collègues que les fluctuations de la vie politique ont éloigné de cette assemblée et parmi lesquels se trouvaient des hommes d'une haute conscience civique. Il m'est en outre très agréable de souhaiter la bienvenue aux 219 nouveaux élus qui nous arrivent avec le désir de mettre leur activité et leurs compétences au service de la chose publique. La fonction parlementaire, en effet, ne s'improvise pas. Elle suppose des qualités profondes et la claire vision des problèmes à résoudre. Est-il besoin de rappeler au surplus que le régime représentatif comporte le contrôle nécessaire exercé par les assemblées sur le pouvoir exécutif, la garantie des citoyens contre l'arbitraire, en un mot, la sauvegarde de toute liberté publique face au régime totalitaire. Pour remplir cette grande tâche qu'est la nôtre, il faut un dévouement sans relâche, au vu de service d'un idéal généreux. Il est indéfectible la volonté d'œuvrer à la grandeur et au rayonnement de la France. Pénétrés de nos devoirs, nous devons aussi bannir l'utopie, comprendre et résoudre les grands problèmes qui se posent dans le complexe d'un siècle qui cherche sa voie au-delà des horizons ténébreux. Le Parlement aura s'inspiré des leçons de la campagne électorale aux aspects hétéroclites et inédits pour constater que les querelles de pure idéologie ont cessé de répondre aux aspirations des Français. Plus préoccupés des réalisations concrètes que d'abstractions désuètes et stériles. À travers les élections, la France a marqué sa volonté d'une démocratie sans doute politique, mais essentiellement économique et hardiment sociale. Elle compte sur notre courage civique pour nous engager résolument dans l'action en bannissant tout conservatisme hésitant et timoré. L'heure est maintenant aux réalisations audacieuses et dans la hiérarchie des urgences, une priorité spéciale doit être réservée au secteur social. Je tiens à le souligner. En premier lieu, je pense à ceux qui, au soir d'une vie de labeur, se trouvent, malgré leur prévoyance, sans ressources suffisantes et piétinent dans une ornière humiliante. L'État se doit de faire en leur faveur l'effort qu'impose une conception plus juste de la fraternité humaine en doublant la retraite des vieux. Mesure que je préconisais il y a 13 ans déjà et en fixant à l'âge de 60 ans l'âge de cette retraite. Je dis bien 60 ans. Ces deux améliorations s'imposent impérieusement. Un chanoine doyen d'âge au perchoir de l'Assemblée nationale, Vatican II, ouvert par le pape Jean XXIII début octobre, concile qui se terminera 3 ans plus tard sous le pontificat de Paul VI. Et dans les églises, au fin fond de la France profonde, que se passe-t-il? Pas d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue artistique. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Chef-d'œuvre en péril, une enquête de Pierre Delagarde. Première partie, l'affaire d'Allouville-Belfosse. Les œuvres d'art sont en péril. Bien sûr, n'exagérons rien. Nous ne sommes plus au début du siècle dernier où les acheteurs de biens nationaux démolissaient de fond en comble d'admirables abbayes pour en revendre les pierres. Aujourd'hui, les œuvres d'art sont inventoriées, elles sont classées, elles sont protégées par d'innombrables règlements. Et pourtant, il se passe encore d'étranges choses. Écoutez plutôt. Il y a 15 jours, on arrêtait deux jeunes pilleurs d'église qui, en quelques mois, avait amassé un butin de, oui, vous ne devinerez pas, de 25 millions. Et il ne s'agit pas de professionnels qui auraient agi avec plus d'astuce et de discernement, non. Il s'agissait de simples amateurs, c'est tout dire. Passons. Il n'est pas rare que ces pillages aient une couverture légale. Ainsi, il arrive que les curés se dessaisissent avec allégresse de chefs-d'œuvre dont ils ignorent la valeur, tout simplement pour payer leur colonie de vacances. Passons encore. Car j'ai un fait encore plus curieux à vous signaler. À Allouville-Bellefosse, non seulement le curé, mais encore le maire et tout le conseil municipal se sont trouvés d'accord pour se dessaisir, pour une bouchée de pain, de chefs-d'œuvre de plusieurs millions. L'affaire venait d'être conclue et l'antiquaire se frottait les mains d'une si bonne aubaine lorsque la préfecture s'est aperçue de cette étrange décision. Il était temps. Mais prenons cette affaire par le commencement. Allouville-Bellefosse est une petite ville de Normandie à quelques kilomètres d'Yvetot. Elle groupe deux communes, celle d'Allouville et celle de Bellefosse. Dans l'église de Bellefosse, qui ne sert plus au culte et qui est dans un grand état de délabrement, se trouvaient les fameuses statues. Comment le conseil municipal a eu l'idée de s'en dessaisir? Eh bien, à notre arrivée à Louville, nous l'avons demandé aux habitants. Ils ne semblaient pas au courant de cette affaire, ou plus exactement, ils ne voulaient rien dire. Pas à peine de causer de ça, mais on a causé le maire, pas à peine de... Moi, je ne sais pas, moi. Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Pourquoi on tourne la machine, là? C'est une machine de radio, ça te... Moi, je ne suis pas d'ici, moi. Vous n'êtes pas d'ici, enfin, vous êtes là depuis 2-3 ans, quand même. Oui, mais moi, je ne connais rien en ce qui concerne l'église de Bellefosse. Le maire d'Allouville, cependant, après une heure de circonlocution, a fini par me donner une explication de cette affaire. Une explication, enfin, la sienne. Vous êtes au courant de cette affaire de statut? J'en ai entendu parler un peu. Enfin, il y a un antiquaire qui a voulu les acheter, oui, quoi. Oui, oui. Et au fond, vous vous êtes dit, pourquoi pas, quoi. Elle servait à rien à la commune, quoi. Oui, puis alors, sur l'état de la commune de Bellefosse, il y avait des statues sans valeur. Pour nous, qu'on n'est pas compétents, qu'on ne trouvait pas de valeur à ces statues. Ouais. C'est normal, oui, évidemment. on ne les avait pas classées du tout, non? Non, rien. Pas classé du tout. Ah non, s'il avait été classé, on n'aurait pas. Oui, bien sûr, oui. Et alors, il vous en proposait combien, l'antiquaire, pour ça, pour les statues? 200 000. 200 000. Ouais. Dont vous seriez servi pour l'église? Oui, on avait même intention d'électrifier les cloches. Oui, d'électrifier les cloches. Au fond, c'était le curé qui vous en avait parlé. Oui, c'était M. le curé qui nous avait mis ça en route, quoi. Oui, parce que l'antiquaire avait vu M. le curé d'abord. Oui, d'accord. Hein. Et puis alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est le préfet qui a dit non, quoi. Ah ben oui, la commune, comme toutes les communes, on est toujours resté sous tutelle de la préfecture. Toutes les communes, nous sommes des enfants mineurs. C'est vrai, alors le préfet... Mais alors comment le préfet l'a appris? Parce que vous avez été obligé de lui dire ou quoi? Oui. Mais la vente avait eu lieu déjà. Oui, par une délibération du conseil. Oui. Oui. Bon, alors les boiseries et les statues étaient parties. Oui. Bon, et alors le préfet l'a appris comment? Parce qu'il a vu votre délibération ou quoi? Et ce sont un architecte des Beaux-Arts qui est venu voir sur place, et soi-disant qu'il y avait des photos, des statues, et qui a dit qu'il y avait des statues qui étaient en valeur. Voilà donc le point de vue du maire d'Allouville. Et voici maintenant la réponse des Beaux-Arts. Monsieur Dupont, inspecteur général des monuments historiques, nous explique la raison pour laquelle ses services se sont opposés à la vente des statues. Alors monsieur, vous avez tout le dossier de cette affaire. En particulier, vous avez la description des œuvres qui ont été vendues. De très belles œuvres, oui. C'était des œuvres importantes, et c'est bien dommage qu'elles aient été vendues. Alors, notamment, la Grande Vierge du XIVe siècle était une sculpture importante, représentant la Vierge debout, couronnée, portant l'enfant sur son bras gauche. Puis une très belle draperie. Et une très belle draperie, c'est un voile, en réalité ce n'est pas un manteau, c'est un voile qui prend sous la couronne et qui enveloppe le buste de la Vierge, descendant jusqu'aux genoux. Combien ça vaut une Vierge de cette importance? C'est fort difficile à dire, mais en tout cas c'est une Vierge qu'on peut estimer entre 1 et 3 millions peut-être aujourd'hui. Alors ça c'était la plus belle pièce? C'est la plus belle pièce, il y avait une autre, une sainte, dont nous ne pouvons pas dire à première vue son, le nom. Les deux autres statues sont de moins d'importance. Il y a une sainte Marthe avec la tarasse qui est tellement repeinte et abîmée qu'on en juge mal. Et puis il y a un saint Jacques. Le conseil municipal a vendu le tout pour 200 000 francs et vous l'estimez et à... Nous avons une estimation d'ailleurs dans le dossier qui n'a pas été faite par moi et qui est montée à environ 3 200 000 francs. Oui, et la vente des statues était une erreur. Mais le maire et le curé, qui en sont responsables, avaient une excuse. Laquelle? Monsieur le curé nous l'expose. Je ne pense pas que les Beaux-Arts aient rien à dire, car ces statues-là ne sont pas classées. Si elles avaient été classées, nous l'aurions su. À la mairie, on aurait été avisé, certainement. Mais elles ne l'étaient pas. Et c'est d'ailleurs c'est de là qu'est partie toute l'affaire, parce qu'elles n'étaient pas classées, elles n'étaient pas signalées sur l'inventaire comme ayant une valeur quelconque. Et... En définitive, donc, la responsabilité, si vraiment ce sont des très belles statues, la responsabilité reviendrait aux Beaux-Arts. Ah, ben, non, parce que... Enfin, moi, je n'en sais rien. Quant au cinéma, en cette même année 1962, s'intéressait-il, sinon à la religion, du moins à l'Église? Anecdotiquement, oui, et pour les besoins très périphériques d'une comédie, qui nous permet d'en apprendre plus sur les mœurs de l'époque. Roger Régent et Jacqueline Adler vous prient d'écouter Cinéma pour les ondes. Aujourd'hui, Comment réussir en amour, film de Michel Boiron, avec Dany Saval dans le rôle de Sophie, Jean Poiret, Bernard, Jacqueline Maillan, Madame Rondeau, Jacques Charon, sociétaire de la Comédie Française, le directeur des éditions du Soleil, Hélène Duc, son épouse, Noël Roquevert, le directeur des éditions Saint-Vincent de Paul. Dialogue d'Annette Vadement, musique de Georges Garvarentz. Commentaire radiophonique dit par Robert Martin, collaboration technique de René Relot. Cette histoire commence à Paris en l'an de grâce 1962, dans le quartier Saint-Sulpice. Dans l'une de ces rues étroites où les magasins d'objets de piété voisinent avec les caves où l'on danse le twist, se trouvent les bureaux des éditions Saint-Vincent de Paul. Cette honorable maison édite, comme son nom l'indique, des ouvrages religieux. Son directeur est un homme austère qui ne plaisante pas sur le chapitre de la moralité. Quant au sous-directeur, il s'appelle Bernard Monod, a 30 ans, porte lunettes et est célibataire comme il n'est pas possible d'être célibataire. C'est-à-dire qu'il poursuit toutes les jolies filles qui passent à sa portée. Mais, bien entendu, pour monsieur le directeur, il est le garçon le plus rangé qu'il soit. L'un de ses amis, Marcel, lui a remis quelques jours auparavant le manuscrit d'un roman. Il vient aujourd'hui voir Bernard à son bureau. Mais son roman a pour titre « Comment réussir en amour ». Est-ce que tu as lu mon manuscrit ? J'ai lu ton manuscrit. Et alors, comment trouves-tu ça? Puisque tu en penses, hein, franchement, je serais très courageux, vas-y. Eh bien, franchement, c'est très bon. Non, oui. Oh, merci. Oh, mon petit vieux. Tu ne veux pas savoir le plaisir que tu me fais. Oui, c'est ça, c'est ça. Seulement, n'espère pas te faire éditer ici. Tu connais notre clientèle, composée en majeure partie d'ecclésiastiques. Alors, comment réussir en amour pour eux, tu comprends? Oui, mais remarque, mon livre est très moral, hein. Car pour moi, la seule réussite en amour, finalement, c'est le mariage. Oui, pourquoi, je sais bien. Consacrer toute sa vie à une seule femme, ça. Tiens, celle-là, par exemple. Oh, regarde si elle est mignonne. Chiche, que je descende, je la baratine, et qu'avant 5 minutes, elle me file à rancard. Qu'est-ce que tu paries? Non, rien du tout. Tu m'as déjà pris suffisamment d'argent avec des paris de ce genre. Quand je pense que tu arrives à décrocher des rendez-vous en 5 minutes, oh, avec cette tête-là. Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Oh, rien, mais enfin, ça reste un mystère pour moi. Oh, mais tu m'as l'air bien aigri, Spadin, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, il m'arrive que depuis 2 mois, je m'intéresse énormément à une jeune fille et que jusqu'à présent, je n'ai même pas réussi à savoir son nom. Alors là, mon vieux, je suis sûr que tu te débrouilles lamentablement. Oh. Oui, c'est possible. Pourtant, je te jure que je me donne du mal, hein. Ce matin encore, j'ai pas hésité à me faire coller une contravention pour entrer en contact avec elle. Mais ce qui est absolument tragique, tu comprends, c'est que cette fille ne me voit pas, ne m'entend pas. Pour elle, c'est comme si je n'existais pas. Et Dieu sait pourtant si j'essaie de me faire remarquer. Et à côté de ça, un hasard mystérieux a l'air de travailler en ma faveur. C'est extraordinaire parce que depuis 2 mois, je la rencontre pratiquement partout. Ça a commencé d'une manière assez banale. J'étais allé faire quelques achats dans un magasin de mon quartier. Il était 6h05, le magasin allait fermer. Pas moyen de trouver une vendeuse, évidemment. Et là, mon vieux, je tombe en arrêt. Des yeux, une bouche, un nez. Bref, la femme de ma vie. Je sais bien qu'à ce moment-là, j'aurais dû essayer de me manifester intelligemment, mais je me sentais un peu ridicule. Je lui ai acheté un pyjama dont je n'avais absolument pas besoin, d'ailleurs. Je la suivais comme dans un rêve. pour la première fois de ma vie, j'étais amoureux. Mais mon bon vieux, tu as été au-dessous de tout. Tu avais là une occasion merveilleuse d'engager la conversation. Oh, mais je sais bien. D'autant plus qu'une occasion comme celle-là ne s'est jamais représentée. Seulement, comment aurais-je pu deviner? Moi, je m'imaginais naïvement qu'il suffirait de retourner dans ce magasin pour la revoir. Et ça se présentait d'autant mieux que cette charmante enfant s'était trompée dans la taille de mon pyjama. Je retournais donc le lendemain au magasin, décidé à frapper le grand coup. Elle était partie, mon vieux. Ah, j'en aurais pleuré. Ces salauds l'avaient mise à la porte. Et tu sais pourquoi? Sous prétexte qu'elle faisait mal son travail. Tu te rends compte? J'ai bien essayé de demander son nom et son adresse, mais ils n'ont pas voulu me la donner. Il paraît que ça ne se fait pas. J'aurais dit que je ne remettrais plus jamais les pieds dans ce magasin. Ils ont eu l'air de s'en moquer complètement, d'ailleurs. Il m'a même semblé entendre le mot satire. Quoi qu'il en soit, je suis sorti de ce magasin la mort dans l'âme. J'étais persuadé que je ne reverrais plus jamais cette jeune fille. Eh bien, mon vieux, 8 jours plus tard, un dimanche, j'avais emmené mon petit neveu faire une promenade sur la Seine. Mademoiselle! Mademoiselle! Oh, oh! Deux jours plus tard, je l'ai revue à la piscine. Une autre fois, j'allais à un rendez-vous avec mon cher directeur. Qu'est-ce que je vois? Rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais rien, monsieur le directeur. Je suis allé me renseigner. Le patron venait justement de la mettre à la porte. Et comme il l'avait prise à l'essai, il n'a pu me donner que son prénom. Sophie. Et alors? Ben alors, rien. J'arrête pas de penser à cette fille. Mais qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Ah ben voilà, je te le demande. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Moi? Bon. Oui, je sais bien, mais enfin, à part ça... Qu'est-ce que tu veux, à mon avis? Il n'y a plus qu'à attendre en espérant que la prochaine fois, tu arriveras quand même à lui parler. Fais-moi confiance, je viens de potasser ton bouquin de A jusqu'à Z. Maintenant, tous les trucs pour aborder une fille, je les connais. Seulement, voilà, il faudrait que toutes ces publications religieuses soient présentées d'une manière plus attrayante. Comment? Avec peut-être davantage d'illustrations. Ah oui, excusez-moi ah oui, de vous oui. interrompre, mon nom, monsieur. Mais je vous apporte les épreuves de l'histoire sainte expliquées au tout petit. J'ai besoin de ces épreuves lundi matin. Mais monsieur le directeur, je n'y arriverai jamais. Oh, si vous ne l'avez pas fini, vous les terminerez pendant le week-end. Bien, monsieur le directeur. Or, ce soir-là, l'événement le plus banal et le plus bête que l'on puisse imaginer va changer la vie de Bernard Monod, une histoire de robinet et de tuyaux de plomb. Madame Rondeau, sa voisine du dessus, a oublié son bain qui coulait. Inondation monstre, le plafond de Bernard traversé, meubles endommagés. Monsieur Monod monte 4-4 chez la locataire distraite, se fâche, la traite de tous les noms. Puis devient tout à coup angélique. Il a vu dans l'appartement la photo de Sophie. Eh oui, Sophie est la fille de Madame Rondeau. Bernard se met aux petits soins de sa volubile et fofolle voisine. Et le soir, lorsque Sophie, qui vient de danser à Saint-Germain-des-Prés, rentre chez elle... C'est toi, Sophie? Bonsoir, ma petite fille. Tu sais que j'ai fait une conquête ce soir? Ah oui? Notre voisin du dessous, c'est un garçon absolument charmant qui travaille dans une maison d'édition. Je lui ai parlé de toi, je lui ai dit que tu cherchais une situation. Ça a eu l'air de beaucoup l'intéresser. Il m'a posé des tas de questions sur toi. Enfin bref, j'ai obtenu un rendez-vous. Il t'attend demain matin à 11h à son bureau. C'était pas tant, non? C'est très bien. Au revoir. Sophie est une fille très dans le vent. Dès le lendemain, elle se rend aux éditions Saint-Vincent-de-Paul pour voir Bernard. Quand le directeur de la maison aperçoit dans le couloir cette amazone en pantalon, il manque d'en tomber à la renverse. Monsieur Monod, je croyais que cette jeune fille s'était trompée d'étage, mais elle me dit qu'elle a rendez-vous avec vous. Oui, oui, en effet, monsieur le directeur. Oui, bonjour, mademoiselle. Si vous voulez bien passer dans mon bureau, je vous rejoins tout de suite. C'est la dernière porte à gauche. Voilà. Oui, c'est une jeune fille très méritante qui m'a été recommandée par sa mère. J'avais pensé que nous pourrions peut-être lui trouver un petit emploi. Mais vous perdez la tête, Monod. Cette jeune fille n'est pas du tout le genre de la maison. D'abord, une femme qui porte des pantalons est pour moi définitivement cataloguée. Ah oui. Et si je vous disais, monsieur le directeur, que cette malheureuse enfant a perdu l'usage d'une de ses jambes? Que dites-vous là, Monod? Ce n'est pas possible. Oh. Mais l'avoir marché, on ne se douterait jamais. Et pourtant, c'est une jambe mécanique. Ce qui fait que la pauvre petite ne peut plus porter que des pantalons. Oh. Ça n'en portera probablement toute sa vie. Excusez-moi. Il n'a pas l'air marrant, votre directeur. Oh là là, à qui le dites-vous? Je... Attendez, je vais vous aider. Mais... Je vais vous installer dans ce fauteuil. Vous serez beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va très bien, je suis encore capable de me déplacer toute seule. Mais bien sûr, mademoiselle, bien sûr, je ne voulais pas vous froisser. Voilà, comme ça nous serons plus tranquilles. Vous pouvez pas savoir comme je suis heureux. Voulez-vous sortir avec moi ce soir? Oui, oui, oh, je sais bien que vous êtes venu ici pour chercher du travail, mais ne me dites pas que vous avez envie de travailler dans cette vieille baraque. Ça me décevrait beaucoup de votre part. Vous voyez? Ah, vous êtes rigolo. Je vous imaginais pas du tout comme ça. Vous savez, c'est maman qui veut absolument que je travaille. Mon père est mort, alors elle fait beaucoup de soucis à cause de moi. Elle dit qu'une jeune fille ne doit jamais rester inoccupée. Alors elle essaie de me caser de tous les côtés. À ce moment-là, moi, je sais pas faire grand-chose. J'ai toujours été très mauvaise dans mes études. J'ai même pas réussi à passer mon bac. Alors forcément, le genre de truc qu'on me propose, ben, c'est pas toujours intéressant. Vous savez, moi, ce qui me plairait, ce serait de diriger un journal. Un journal féminin, bien sûr, parce que moi, la politique, je connais rien. Ou alors une maison de couture. Enfin, je sais pas. Je vous adore, vous êtes la femme de ma vie. Voulez-vous m'épouser? Est-ce que vous êtes bête? Vous croyez que je plaisante? Ah, j'ai jamais été aussi sérieux. Vous n'êtes pas mariée, vous? Pas du tout, d'ailleurs. J'habite au-dessous de chez vous. Vous pourrez vérifier. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Ah, parce que moi, je ne sors jamais avec des hommes mariés. Ça, c'est un principe. Alors, vous acceptez de sortir avec moi? Est-ce que vous savez danser le twist? Le twist? Ah oui, le twist, quoi. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mais alors, si je comprends bien, il est indispensable de danser le twist pour sortir avec vous. Ils ne connaissent que ça. Parce que vous avez déjà choisi l'endroit où nous irons. C'est à prendre ou à laisser. Ah, franchement, vous pensez. Et comment s'appelle cet endroit? Le club des Saint-Pères, rue des Saint-Pères. Extrait de Cinéma pour les ondes, Comment réussir en amour, par Roger Réjean et Jacqueline Adler. Première diffusion sur Paris Inter, le 18 décembre 1962. Quand on feuillette des collections de quotidiens des années 60 ou des hebdomadaires friands de faits divers de la même époque, on est à peu près certain d'y découvrir chaque trimestre environ un cadavre abandonné dans une consigne, en gare. Sans doute les romans policiers nous ont habitués à cette façon discourtoise de laisser aux employés de la SNCF l'obligation de prévenir la police. Ces oublis en consigne, étranges, et qui demandent du reste beaucoup de force et de self-control, ont de nos jours disparu des pages faits divers. La faute, évidemment, à la raréfaction des consignes en gare. En 1962, le 21 décembre, on a visiblement hésité à la rédaction à mettre à la une l'affaire des fusées atomiques ou l'énigme, qui très vite n'en est plus une, de l'homme sportif bien découplé et hélas découpé. L'autre gros titre de notre journal, c'est l'arrestation de la femme qui avait apporté à la gare d'Austerlitz le cadavre de l'homme découpé en morceaux. La police a travaillé très vite. L'homme dépecé était l'ami de la femme, une institutrice de Babelwed. Et oui, nous vous offrons le voisinage, la promiscuité de deux événements aussi étrangers l'un à l'autre que le drame britannique et un sordide crime. Mais l'histoire oubliera celui-ci et retiendra celui-là. Commençons par celui qui est condamné à l'oubli, car il s'agit là d'une sorte de record de vitesse pour la police. Pierre Lerouzic, donc, c'est un titre sensationnel. À la une de tous les journaux du soir, la police a identifié l'homme coupé en morceaux, retrouvé dans deux paquets déposés à la consigne de la gare d'Austerlitz. Oui, il s'agit d'un nommé Armand Ferrari, 62 ans, ancien moniteur d'éducation physique dans le faubourg algérois de Babelwed. La police vient d'arrêter Jeanne Bordier, une institutrice de Babelwed, elle aussi âgée de 45 ans, qui a avoué avoir transporté le corps mutilé à la gare. Mais, dit-elle, ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est l'OAS. Il faut bien le dire, le récit invraisemblable qu'elle fait du drame laisse les enquêteurs assez sceptiques. Mardi après-midi, déclare Jeanne Bordier, j'ai rencontré dans la rue deux hommes que je ne connaissais pas. Ils m'ont demandé comment allait Armand. Puis ils m'ont dit qu'ils voulaient le voir, lui donner des nouvelles de son fils et parler d'amis restés à Alger. Le reste du récit est plutôt confus. Elle a eu très peur, dit-elle. Elle n'a pas encore repris tous ses esprits. D'après elle, les deux hommes ont assommé son ami, puis ils ont commencé à en dépecer le corps. Ils ont cousu les morceaux dans de la toile à matelas et ils ont disparu. Ce n'est que jeudi matin que Jeanne Bordier, d'après ses déclarations, comprit qu'il fallait à tout prix faire disparaître les deux colis macabres. Elle est allée chercher un taxi dont le chauffeur l'a aidé à descendre les deux paquets très pesants. Arrivée à la gare d'Austerlitz, elle n'eut plus qu'à demander à un porteur de les conduire vers l'enregistrement. On a retrouvé aussi le reporter, qui a déclaré ceci. Au moment où je lui ai demandé de remplir les étiquettes, elle m'a dit qu'elle allait chercher son billet. Eh bien, je ne l'ai pas refus. Comme j'avais d'autres clients, ajoute le porteur, J'ai laissé les paquets sur le chariot devant le guichet de l'enregistrement. C'est là qu'on les a trouvés. Il est encore trop tôt, bien sûr, pour savoir exactement à quel point Jeanne Bordier dit la vérité ou non, mais pour les enquêteurs, l'intervention des membres de l'OAS apparaît jusqu'à nouvel ordre assez peu probable. On en est là. Eh bien, il n'aura pas fallu 24 heures aux policiers de la 1ère brigade mobile de la Sûreté nationale pour arrêter la dame aux cheveux gris. Jean-Claude Héberlé a été voir le chef du service régional de police judiciaire de Paris, car vraiment, cette enquête ultra rapide mérite qu'on la salue. Quels sont, dans des cas de ce genre, dans des affaires aussi compliquées, cadavres découpés en morceaux, même dépecés, quelles sont les méthodes d'investigation policière qui permettent aussi rapidement, parfois moins rapidement, d'arriver à identifier la victime et peut-être après l'assassin? Dans le cas présent, il n'y a pas eu une méthode type d'investigation. Ce qu'il a porté pour nous, c'est d'être recherché les témoins qui avaient été présents lors de l'arrivée des débris macabres à la gare de Sierlitz, et plus particulièrement le taxi qui avait transporté ces débris. Notre tâche était simplifiée grâce au courage, on peut le dire, civique du chauffeur de taxi qui s'est fait connaître et qui, à la lecture des journaux, est venu, après avoir lu les journaux, veux-je dire, est venu nous dire que c'était lui qui avait transporté la femme et ses colis. Alors vous prétendez qu'il n'y a pas de méthode scientifique véritable ou qu'il n'y en a guère qu'une qui pourrait être l'histoire des empreintes digitales? Absolument. Alors là, c'est une autre chose. En ce qui concerne l'identification d'un cadavre, il n'existe jusqu'à présent qu'une seule méthode absolument formelle, c'est celle de l'examen des empreintes digitales. Mais toujours est-il qu'il faut que la victime, s'il s'agit d'une identification d'une victime, ait ses empreintes, ait déjà eu ses empreintes de recueillies. Ce qui n'est pas le cas pour des citoyens, heureusement. Il s'agit que ce quelqu'un, cette victime ou non-victime, ait déjà eu maille à partir avec la police. Absolument. Il faut qu'elle ait eu affaire à la police, qu'il lui ait pris ses empreintes. Ce qui n'était pas le cas, d'ailleurs. Ce qui n'était pas le cas. De cette victime. Alors, en ce qui concerne cette affaire, donc, elle a été menée très rapidement. Vous n'avez pratiquement pas eu besoin de ces investigations scientifiques. Comment expliquez-vous qu'elle ait pu être menée si rapidement? Eh bien, je vous dis, elle a été menée si rapidement parce que nous avons eu la chance de trouver le témoin capital de l'affaire, le chauffeur de taxi qui avait pris les colis à domicile et qui les avait amenés à la gare. Qui vous a tout simplement ramené au domicile? Exactement. Effectivement, la manœuvre était assez simple, je dirais même assez simpliste, parce qu'en fait, Absolument. Nous avons eu la chance de découvrir ce témoin capital, et alors nous l'avons exploité avec le maximum de rapidité. Nous avons fait les vérifications excessivement rapidement, ce qui nous a permis de pouvoir arriver très vite. Alors pour vous maintenant, l'affaire commence en réalité? L'affaire commence, il s'agit maintenant de savoir dans quelles conditions cet homme, la victime, a été tué et par qui. Eh bien, un homme a connu la victime. Oh, vous savez, nous n'avons pas eu besoin d'aller le chercher bien loin puisque c'est un journaliste de la RTF, Serge Misraille, qui est venu tout à l'heure dans le bureau en nous disant « Eh bien oui, je l'ai connu, je l'ai vu, il était mon professeur, mais je n'en dis pas plus, Serge Misraille. Quel homme donc était-ce et où et quand l'avez-vous connu ?» Oui, j'ai connu M. Ferrari, c'était notre prof de gym, je l'ai connu comme les tas de copains de Bugeaud ont pu le connaître. C'était un chic type. Puis il avait une silhouette bien caractéristique, il avait peut-être 62 ans, comme on dit, mais il portait beaucoup moins que son âge. Il était bien découplé, bien bâti, très athlétique. Enfin, moi, j'en conserve le souvenir d'un brave homme. Et rien dans sa vie ne pouvait laisser prévoir le drame auquel il allait être si intimement mêlé. Ben, j'avoue, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été stupéfait. Bien, Pierre Lerouzy, quelque chose d'autre à ajouter? Eh bien, il y a quelques instants, nous venons de recevoir un coup de téléphone d'un de nos reporters qui a interviewé les voisins de Mme Bordier. Eh bien, eux, ils sont bavards. Tous s'accordent à voir en Jeanne Bordier une femme bizarre, une détraquée, disent certains. Et on ne l'aimait guère, paraît-il, dans son quartier. Jeanne Bordier, au dire des voisins, faisait des scènes continuelles à Armand Ferrari et menaçait de se jeter par la fenêtre ou de faire un plongeon dans la selle. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Mais oui, d'ailleurs, la police nous l'a dit, l'affaire pour eux commence. Avouez que c'est quand même un mot assez curieux. Ça ira quand même bien engagé. Eh bien, tirons un trait quant à nous sur ce fait divers et ouvrons le dossier Bahamas. Remarquez, nous livrons au moment précisément où le rideau est tombé là-bas. Un rideau assez sombre pour les Britanniques. Mais nous appelons Jacques Salbert, notre envoyé spécial aux Bahamas, et auquel je demande s'il sait beaucoup plus que ce que nous avons dit nous-mêmes dans notre ouverture. Il a définitivement perdu les fusées Skyboat, mais il a gagné en échange quelques fusées Polaris. Il lui faut maintenant construire des sous-marins et mettre ses avions au rayon des accessoires. C'est tout de même très désagréable, surtout pour le contribuable anglais. Le communiqué sera certainement un effort pour donner l'illusion que la force atomique anglaise reste nationale et indépendante. C'est une satisfaction d'amour propre que les Américains peuvent difficilement refuser à leurs amis britanniques, mais en réalité, ça ne trompera personne. Les Américains accordent leur fusée Polaris, mais à condition qu'elle soit intégrée dans une force nucléaire multilatérale qui, sans être pour l'instant intégrée à l'OTAN, sera tout de même à la disposition de l'OTAN sous une forme qui reste à préciser. Le but de l'opération est également d'essayer de faire entrer dans cette force commune la future force frappe française. Et aujourd'hui, à Nassau, on s'interroge beaucoup sur l'attitude de l'Élysée face à cette force nucléaire européenne et multilatérale. Venait du froid, de l'Est, de l'Union soviétique. Pour l'émission « Le monde est à vous », Michel Enfrol interrogeait Katia de Villard à propos de sa vie militaire dans l'armée rouge. À Moscou, 45e anniversaire de la révolution d'octobre. Tandis que l'armée rouge défile et que le verre de champagne en main, M. Khrouchtchev porte des toasts à la coexistence pacifique, une jeune femme russe, maintenant fixée à Paris, se souvient. En exclusivité pour Le Monde est à vous, Michel Enfrol a recueilli les confidences de Katia, ancien lieutenant de l'armée rouge. En face de nous, une femme de 39 ans, de petite taille, aux cheveux noirs, à l'accent mi-russe, mi-méridional, comme vous allez le constater vous-même, et apparemment assez nerveuse. Lieutenant Katia, pourtant vous n'étiez pas, je crois, lieutenant dès le début, vous avez été soldat. Oui, un brave deuxième classe. Qu'est-ce que c'est supérieur en France, deuxième classe ou première classe? Alors un brave première classe, avec des culottes 36 fois trop grandes, des blouses, mettons, deux fois trop grandes, ça dépendait. Vous aviez un uniforme militaire masculin? Oui, je me rappelle très bien que ma première culotte, J'avais vraiment envie de faire le trou dans les poches pour passer les bras et encore, ça pendait. Mais alors, par quel effet vous êtes-vous retrouvé ensuite officier? Parce que c'est quand même une promotion très rapide. Je me suis distinguée d'abord par une bêtise, par une stupidité sans pareil. Je faisais quand même un travail utile, là. Que faisiez-vous exactement? J'ai ramassé les blessés dans les champs. J'ai recousé les ventres. En principe, mort ou vivant, on les recousait quand même. Vous aviez quand même des notions de soins chirurgicaux ou médicaux? Ça, dans tous les instituts supérieurs soviétiques, il y a des cours sanitaires. Dans les circonstances, ça allait vite, il fallait se mettre au courant très vite. Et je crois que là, ça allait très bien. Comme infirmière, je me maintenais au niveau. Ma stupidité ne se faisait pas encore remarquer. C'était après, lorsque l'unité où j'avais été pulvérisée, et moi-même, j'ai été blessée. Je me suis retrouvée à Millerovo, dans une gare, dans une place de gare, où nous étions tous voués à une mort certaine. Je me suis échappée et j'ai pris clandestinement un train qui allait à Moscou. Et grâce à la pagaille qui régnait à Moscou le 15 décembre 1941, j'ai pu passer inaperçue. Alors, en vertu de cette panique, personne ne cherchait pas à discuter que les gens avaient des stupides idées de mettre les enfants au monde dans une ville qui s'appelle par exemple Montpellier. Ça aurait pu être... Parce qu'il faut préciser que vous êtes né en France. Oui. Et vous êtes donc de père russe, de mère française. Oui, c'est ça. Ce qui entraîne des complications lorsqu'on perd ses papiers dans un pays en guerre. Là, dans un pays en guerre, en Russie soviétique, pendant la guerre, ce n'était pas dangereux de perdre ses papiers. Ça équivalait à la peine de mort, dans tous les cas. Dans tous les cas. Par chance, mon billet de Komsomol était resté sur moi. Pendant l'exode, pendant l'encerclement, les gens qui étaient pris dans l'encerclement, détruisaient surtout ces billets de parti, billets de Komsomol, parce que les Allemands, tous les prisonniers qu'ils rassemblaient, quand ils faisaient la ségrégation, la première question c'était les Juifs, les communistes et les Komsomol sortir des rangs. Alors on les faisait sortir et on les fusillait devant l'épais régimentaire allemand. Dans n'importe quel autre pays où le bon sens aurait régné, on aurait pardonné aux gens qui se trouvaient dans l'encerclement d'avoir détruit leurs papiers, n'est-ce pas? En ce moment-là, en Union soviétique, c'était un péché mortel. Il valait mieux se faire fusiller que de déchirer ce papier. Or, par chance pour moi, je n'étais pas encore faite prisonnière et j'avais tous mes papiers sur moi. Donc à Moscou, on ne me cherchait pas encore mounoise et on cherchait tout simplement à savoir comment je pouvais être exploitée au mieux. Enfin, pas moi, mes connaissances. On s'est aperçu que j'étais étudiante des ponts et chaussées. On m'envoyait dans un régiment de génie où, justement, j'ai pu briller d'abord par ma stupidité absolument incoercible. Je faisais des bêtises, des blagues. Et à la suite d'une de ces bêtises, on m'avait condamnée à quelques jours de cachot. Quand on m'avait libérée de ce cachot, très offensée, j'avais décidé d'aller me plaindre. Je suis allée donc me plaindre à la Direction Générale des Travaux de Génie de Ponts et Chaussées à Moscou. Et là, j'avais rencontré plusieurs généraux, dont un a eu pitié de mes malheurs militaires. Les hommes dans le monde entier se ressemblent. Quand on veut tirer une femme de malheur, ou une petite fille, comme j'étais, d'un malheur, c'est à condition qu'elle fasse le bonheur de quelqu'un. Or, pour que je fasse le bonheur de quelqu'un, je croyais bien que les aspirations étaient plutôt personnelles que générales. On ne pensait pas, dans le moment donné, que je puisse vraiment faire quelque chose. On m'envoyait à un cours technique. Et comme je n'arrivais pas à comprendre à quoi pouvait consister le bonheur de la personne qui s'est souciée de mon malheur, on a organisé un examen pour que j'échoue et pour m'envoyer de nouveau dans mon unité. Or, cet examen, je l'ai réussi. Et c'est là que je me suis retrouvée, justement, promue dans les cadres, à mon grand étonnement. Et à l'émotion croissante dans mon régiment où je suis revenue. Et vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. Et comment réagissaient tous les soldats que vous commandiez ? Oh, d'abord, ils ont très mal réagi. Ils m'ont dit sans aucun embâche que... toujours en jetant des grands jets de salive, que j'aurais été beaucoup été mieux à me chauffer chez ma mère, enfin... Il me demandait si je pensais amener mes poupées là, etc., etc. Enfin, ça s'est très mal passé. C'était vraiment des rudes bestiaux, enfin, tels qu'ils m'ont paru au début. Et vous êtes arrivé finalement à vous faire obéir ? Oui, oui, ils m'aimaient bien. Ils m'aimaient beaucoup. Non, ils m'aimaient vraiment comme leur fille. Mais comment, comment avez-vous pu réussir donc cette évolution ? Ben, c'est parce que j'étais très enfant. Alors, ils avaient un complexe paternel envers vous ? Probablement. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Dans le génie, il y a surtout des gens âgés. Et vous avez pris part à des combats ? À des combats directement, non. Je construisais des ponts. Mais quand nous étions menacés, j'ai pris part en ce sens que je me défendais. Et vous avez fait le coup de feu avec d'autres militaires ? Oui, bien sûr. Quelle sensation vous avez, enfin, d'être d'une aussi jeune ? D'une totale inconscience. Dans ma tête de l'enfant de 18 ans, il me semblait que d'abord, c'était les généraux qui vont tomber parce qu'ils sont les plus âgés. Ceux qui allaient directement, qui étaient au point de vue d'âge, les plus près de moi, c'était les gens qui avaient 20 et 21 ans, alors j'avais le temps. Et puis j'avais une très bonne santé, alors je ne comprenais pas. Mais vraiment, je me vois encore... aujourd'hui, je voyais bien que, même après, que la mort s'emparait aussi bien des jeunes que des vieux. Quel sentiment éprouvez-vous après avoir raconté cette vie assez peu commune d'une jeune fille de 18 ans engagée dans l'armée rouge ? Des jeunes filles comme moi... il y avait beaucoup dans l'Union soviétique. Dans votre régiment, précisément, vous étiez plusieurs femmes ? Non, il y avait beaucoup moins dans le génie. Ça ne veut rien dire, d'ailleurs. Les jeunes filles soviétiques, les jeunes filles russes que j'avais eu le loisir de voir dans cette guerre, elles étaient vraiment héroïques et elles étaient plus de plusieurs milliers. Mais mêlés indistinctement dans des régiments avec des hommes. Et mêlés indistinctement dans les régiments. Il y avait énormément de femmes aviateurs, de véritables héroïnes. Mais enfin, je crois que c'est tout à fait personnel. Je ne crois pas à l'héroïsme des survivants. Mais vous avez vous-même été décoré plusieurs fois pour acte d'héroïsme. Alors, je n'étais pas décoré par l'acte d'héroïsme. Je crois tout simplement... que j'ai été décorée par erreur. Je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir mérité quelque chose, c'est vrai. Lorsque un héros est mort, il se trouve à sa place toujours un vivant pour encaisser le salaire de mérite qui sont dus aux morts, mais il est trop tard pour décorer un mort. Alors le lieutenant Katia n'était pas une héroïne ? Ah non, pas du tout. Le lieutenant Katia, la seule chose qu'elle avait dans la tête, c'est d'abord regarder... et ensuite de survivre. Elle n'avait aucune prédisposition pour l'héroïsme. Le Monde est à vous, l'Armée Rouge, Katia de Villard au micro de Michel Onfroll, le 11 novembre 1962, sur France 1, Paris Inter. Katia de Villard venait du froid, de l'Est, on l'aura compris. D'où venait donc le froid ? Froid terrible en cette toute fin d'année 1962. Le froid persiste, la météo n'est guère optimiste, les premiers jours de l'année seront encore plus rigoureux que ne l'a été le week-end de Noël. Le froid traînant son cortège de misère, le froid provoquant des accidents de toutes sortes, mais le froid paralysant surtout la vie économique du pays. Ainsi, dans le nord de la France, c'est le Pas-de-Calais et surtout à Dunkerque, les canaux sont pris par les glaces. Et notre correspondant là-bas, a mené une enquête en interrogeant un ingénieur des ponts et chaussées responsable des voies navigables. Combien de centimètres de glace dans ces régions ? De 8 à 10 centimètres. Donc, circulation particulièrement difficile et surtout interdite Très difficile et quasi impossible. Oui. Pour le déplacement des bateaux. Le trafic Nord-Paris est interdit pour l'instant. Quelles sont les incidences économiques ? Dans la région lilloise, pas de problème, puisque la région des mines... Elles sont quand même sensibles, puisque Si on peut recevoir du charbon venant du bassin minier à Lille, par contre, on ne peut pas recevoir de matériaux de construction qui viennent de Paris ou d'autres marchandises qui sont déchargées au port fluvial de Lille. Est-ce qu'il y a des grains qui sont bloqués sur les canaux? Il y en a notamment des grains qui sont destinés à l'exportation et qui sont bloqués dans la région de Saint-Omer-Arc. Ce n'est pas un chiffre? Il y a une quarantaine de bateaux bloqués en aval de l'ascenseur des Fontinettes. Combien de péniches sont bloquées maintenant sur les canaux du Nord et du Pas-de-Calais? On peut compter qu'il y en a 1500 environ. Mais d'une manière générale, difficultés aussi d'approvisionnement en certains légumes verts. Crainte pour les blés d'hiver, optimisme raisonné pour les viandes et pour la santé du cheptel. Telles sont pour le secteur agricole les principales conséquences de l'offensive du froid. Si l'on en croit ce matin le journal économique Les Échos, les producteurs ne se plaignent toutefois pas trop. L'hiver venant en son temps, il n'a pas surpris les cultures. Les arbres fruitiers et la vigne sont en période de vie ralentie. Les récoltes sont rentrées et stockées en général dans de bonnes conditions. En revanche, des points d'interrogation se posent pour le secteur des fruits et légumes depuis 8 jours. Le poireau est devenu le point sensible de la hausse. Les cours qui se tenaient au niveau de 65 centimes le kilo au Halles de Paris au début du mois sont passés à 4 nouveaux francs hier. Cette situation persistera tant que les arrachages seront impossibles du fait du gel. Craintes aussi pour les salades, les choux-fleurs et les carottes. Mais notre reporter, Jean-Claude Narcy, s'est rendu ce matin sur un marché parisien. Est-ce qu'avec le froid, les légumes et les fruits sont plus chers? C'est à peu près, monsieur. C'est à peu près la même chose. Oui, oui. Par exemple, les citrons n'ont pas augmenté? Les citrons, si, sont augmentés un petit peu. Oui. Et du persil, vous en avez beaucoup? Le persil, monsieur, il est augmenté horriblement. Le persil, alors qu'il est, il vaut déjà 700 francs le kilo. Et il coûtait combien il y a quelques jours? Il y a quelques jours, il coûtait exactement à peine 200 francs le kilo. Ou ça n'a pas augmenté tant que ça. Par exemple, les endives sont au même prix qu'il y a quelques jours? Rémi, les endives ont augmenté ou alors? Oui. Ah oui, de combien elles ont augmenté à peu près? 100 balles, 200 balles, ça. Il n'y en a plus, quoi. Il n'y a plus d'endives? Alors vous pensez que c'est à cause du froid? Oui, trop froid. Elles sont gelées? Elles sont gelées. Oui. Il ne peut pas expédier tout gel en route. Ramasser. Dans les trains ou par camion, ça gèle en route, il n'y a pas moyen. Oui. Et les poireaux? Alors, ça augmente, ils sont à 350 douanes. Et ils étaient à combien ces jours-ci? Ils étaient à 220 principe. Ce matin, moi, j'étais au Halles, ils étaient à 350. Quels sont les légumes qui ont le plus augmenté? C'est le poireau? Le poireau, oh là là. Après fou, et la salade, La salade également? Également. Oui. La salade a augmenté de combien à peu près? Je ne sais pas, 200, 250 au moins au maximum au kilo. Et puis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà ce qu'il y a, c'est qu'il n'y en a pas. Ça se raréfie, on ne trouve plus. Et pour les produits de la mer, les hausses de ces dernières semaines sont plus la conséquence des tempêtes et du mauvais temps que du froid. Les autres agriculteurs semblent assez durement touchés, mais les dégâts seraient assez localisés. Les professionnels considèrent que la grande période annuelle d'expédition est terminée. On mange en effet plus d'huîtres à Noël qu'au jour de l'an. En tout cas, il n'y aurait pas de modification des prix dans les médias. Et acceptons-en l'augure. Mais s'il y a le problème approvisionnement, il y a aussi le problème chauffage. Alors là, que dit-on dans les milieux professionnels? Il n'y a aucun signe de rupture d'approvisionnement en charbon, malgré la vague de froid particulièrement rude et précoce. Certes, les stocks marchands ont sensiblement diminué, mais restent normaux. Les livraisons les plus difficiles sont celles des charbons dits nobles, autrement dit anthracite et maigre. Dans ce domaine, la production française est fortement déficitaire, elle représente moins de la moitié des besoins. Cependant, les importations vont être accrues et accélérées, bien que les difficultés soient semblables dans les autres pays européens. 200 000 tonnes d'anthracite du RSS et 50 000 tonnes des États-Unis vont arriver prochainement, en plus des tonnages régulièrement achetés. Pour les autres qualités de charbon, en particulier le coke et les boulets, les quantités disponibles dépassent les besoins. En somme, la situation n'est pas dramatique, il y a assez de charbon pour que tous les Français se chauffent. Pour se chauffer, il y a aussi bien sûr le gaz. Or, certains abonnés du Gaz de France, sur les 1 100 000 de Paris, ont noté depuis dimanche des baisses de pression. Est-ce une conséquence du froid? Eh bien, pour le savoir, Jean-Claude Narcy est allé interroger l'un des responsables du Gaz de France. Monsieur Dumont, que pensez-vous des bruits qui ont été colportés à Paris en ce qui concerne une éventuelle baisse de pression de gaz dans certains quartiers de Paris? J'en suis le premier étonné car, comme tout le monde, j'ai lu les titres de journaux qui, à mon avis, ne correspondent pas à la réalité. En effet, la pression, d'après nos relevés, est parfaitement normale dans le réseau. Il est possible qu'à certains endroits, il y ait eu des incidents, mais ce sont des incidents purement locaux qui tiennent au fait que, dans certains immeubles vétustes, les propriétaires n'ont pas voulu faire les travaux nécessaires pour la protection des conduites en cas de gelée profonde. Enfin, il y a tout de même un chiffre, celui-ci. 1250 personnes ont appelé en 3 jours pour réclamer du gaz, pour dire que la pression n'était pas assez forte. Qu'en pensez-vous de ce chiffre ? Ce chiffre est exact, mais en valeur relative, il n'est pas considérable si l'on considère que Paris a 1 100 000 abonnés au gaz et que ce chiffre correspond en pourcentage à des appels de 0,3 pour 1000 par jour. Et est-ce que vous pensez avoir la quantité de gaz suffisante pour alimenter aujourd'hui, pour avoir alimenté hier et pour alimenter demain Paris ? Oui, nous avons prévu les quantités nécessaires. Nous avons sur parc du charbon suffisamment pour pallier toute éventualité. Nous sommes également alimentés en gaz de lac et nous utilisons des produits pétroliers. Nous avons battu d'ailleurs hier le record des émissions avec 11 millions de mètres cubes pour la journée, alors que le précédent record se situait l'année dernière avec seulement 9,5 millions de mètres cubes par jour. Cela dit, la conjoncture économique et sociale actuelle a fait ce matin à Matignon l'objet d'un conseil interministériel. Tous les membres du gouvernement sont au reste les hôtes à déjeuner de M. Pompidou. À ce conseil interministériel, on a dû se pencher surtout sur les motifs de la grève décidée par les syndicats CGT, CFTC, des PET. Un ordre de cessation de travail a été lancé pour demain aux agents des bureaux de tri. Évidemment, cela risque de perturber la distribution du courrier et partant, les cartes de bonne année arriveront à destination avec quelques retards. Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Tous mes copains, je les ai embrassés, tous mes copains m'aiment bien. Tous mes copains, il faut bien les aimer, tous mes copains savent bien. Tous mes copains ont le jour et la nuit, tous mes copains m'aiment bien. L'armée me les emmène par les quatre chemins, me les ramène sans attendre demain. Certains ne viendront plus, certains sont revenus, ils vont se marier et je ne les vois plus. Tous mes copains s'en vont main dans la main, tous mes copains s'en iront. Tous mes copains reprendront le chemin, tous mes copains sont partis. Reprendront le chemin, tous mes copains sont partis. C'était les années 60, aujourd'hui 1962, quatrième émission, document Ina Hervé Evano, réalisation Virginie Mourté, une émission de Philippe Garbi. À suivre.